La carte grise de ce véhicule comporte la mention CTTE. Au-delà de 4 ans, il devra subir un contrôle antipollution au moins tous les ans. Réponse A. Tous les 2 ans. Réponse B. Tous les 3 ans. Réponse C. Tous les 4 ans. Réponse D.